Il revient du bureau ? Oui, il en revient à l'instant. Il arrive de Colombie ? Oui, il en arrive à l'instant. Il sort du taxi ? Oui, il en sort à l'instant. Il part de l'hôtel ? Oui, il en part à l'instant. Il revient de vacances ? Oui, il en revient à l'instant.